Elle est ma Jeanne, elle est ma Lorette, elle est Madeleine, mon Eldorado. Elle est ma Jeanne, et si tu t'embêtes, viens, je t'emmène chez Mado. Chez elle, pas de faveur, qui que tu sois, tous à la même enseigne sous son toit. Si tu viens, on te trouvera un bout de table, un coin de nappe en papier. Et si tu connais des chansons un peu paillardes, elle viendra t'embrasser. Elle est ma Jeanne, elle est ma Lorette, elle est Madeleine, mon Eldorado. Elle est ma Jeanne, et si tu t'embêtes, viens, je t'emmène chez Mado. Elle a vu défiler plus de grands noms, plus de célébrités qu'au Panthéon. Elle cache au fond de ses tiroirs, comme des rêves, quelques photos du passé. Elle te parlera de ces fous, de ces poètes qui ne l'ont jamais payé. Elle est ma Jeanne, elle est ma Lorette, elle est Madeleine, mon Eldorado. Elle est ma Jeanne, et si tu t'embêtes, viens, je t'emmène chez Mado. Elle est petite et ronde, mais crois-moi, elle gueulera toujours plus fort que toi. Si tu dis que plus rien n'est bon dans notre monde, elle se lève et elle s'en va. Mais si tu es dans le malheur et seul au monde, elle te prendra dans ses bras. Elle est ma Jeanne, elle est ma Lorette, elle est Madeleine, mon Eldorado. Elle est ma Jeanne, et si tu t'embêtes, viens, je t'emmène chez.